On va parler du UFC avec notre ami Claude Perron. UFC 235, très très bonne carte. Salut Claude. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Claude, avant de commencer la retraite, j'étais en congé mortalité la semaine passée. GSP qui a annoncé sa retraite, on n'a pas eu l'occasion de le commenter ensemble. Je n'ai parlé avec Pat Côté, j'ai eu Pat Côté exceptionnellement cette semaine. Moi, ce que j'en parlais avec Pat Côté cette semaine, ce qui m'a surpris davantage dans le cas de GSP, c'est que il a fait un camp d'entraînement pour un très très dur camp d'entraînement pour seulement un combat. Oui, t'as raison, c'est sûr que bon, écoute, quand d'un autre côté, Georges il s'entraîne toujours à l'année, il est toujours en forme, si on le sait. Puis c'est un peu le côté justement plus stressé à des combats, puis tout ça, la pression qu'il aime moins. Il aurait essayé une autre fois, là. Il est sorti victorieux. Il peut pas, c'est quoi tu peux faire après ça? D'en gagner un autre, 10 autres 20 tours, de demander, il faut que ça arrête avant qu'il en perde un, justement. Puis, écoute, il est en santé, il a de l'argent, puis tout va bien. Fait qu'il va continuer à s'entraîner, puis avoir du fun pareil. Est-ce que, comment tu le qualifies? Dans l'histoire du UFC, est-ce que c'est le plus gros combattant? C'est-tu plus gros encore qu'Anderson Silva? Oui, ben moi, je le placerais en avant d'Anderson Silva. Okay. Écoute, parce qu'il a gagné plus qu'Anderson Silva. En fait. Mais écoute, il y en a plusieurs qui sont bons, mais genre, c'est certainement un top 3, là, parce que, mais il est tout seul dans sa catégorie, si on veut dire, au point de vue, gars qui était, tu sais, quand même un gars qui respectait en dehors puis en dedans du sport, là, puis sa vie publique, puis tout. Tu sais, genre, il a tête et droite, c'est un bel exemple pour tout le monde, puis c'est le fun. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup, là, qui peuvent avoir le package au complet comme Georges l'avait, puis en plus d'être champion, puis en plus d'être un des meilleurs au monde. Okay. C'est pas mal le top. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui c'est du côté du leg qui va avoir laissé, j'en parlais avec Pat, et certainement que son plus gros leg, c'est qu'on a maintenant, il a instauré, grâce à lui, un système de dépistage, je veux dire, des drogues, et ainsi de suite. Tu sais, il y en a par après, je parle trop de Johnny Hendricks, on savait qu'il était dopé là, lorsqu'il l'a affronté. C'est probablement ça qui a été le plus gros leg de GSP, hein? Oui, oui, écoute, en plus de ça, c'est certain legacy comme combattant, il y a ce qu'il a fait un peu pour forcer la main un peu des promoteurs, là, pour les contrôles antidopage, parce que justement, il y a des gars qui étaient un petit peu trop. Puis, oui, il y a Johnny Hendricks, il y a quelques gens aussi que leur carrière a piqué du nez un petit peu après ces années-là. Oui, c'est quelque chose qui va sûrement être porté à son crédit. Aussi, qui vous disait que les combattants étaient pas assez payés, puis ces choses-là. Genre, j'ai toujours essayé de que ça soit plus égal un peu pour tout le monde. Donc, ouais. Ouais. C'est vrai ce que tu dis là, pareil. Dans les combattants, on sait qu'il y a de moins en moins de Québécois. La UFC a chuté beaucoup en popularité au Québec à cause depuis que GSP est parti. Il y en a un qui pourrait être intéressant. Là. Je sais qu'Olivier Barriot, Pat m'a parlé d'Olivier Barriot qui pourrait être, qui pousse, qui a déjà 3 combats, qui a perdu. Mais maintenant, un autre. Est-ce que tu envoies des jeunes là, qui sont dans le TKO, qui pourraient atteindre éventuellement, selon toi, les UFC? Même Bellator. Bon, je sais pas. Ben, oui, Marc-André Barriot vient juste de signer. Écoute, c'est un bon athlète, Marc-André. Travaille fort puis tout, est-ce qu'il est de calibre du UFC? Oui, parce que bon, il a eu son contrat pour y aller. Est-ce que maintenant il va être capable de faire sa marque puis de monter au top? Il est un petit peu tôt pour le dire là. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire puis présentement c'est notre prospect si on veut. Il y en a peut-être une couple qui pousse là, mais présentement c'est pas mal Marc-André là. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Okay. Claude, on va y aller maintenant avec en fin de semaine, UFC 235, plusieurs bons combats. John Jones qui se bat, qui revient. John Jones qui est l'enfant terrible du UFC. Plusieurs fois, s'est fait doper. Par contre, c'est probablement, athlète pour athlète, c'est probablement le meilleur athlète du UFC actuellement. Oui, c'est comme je te dis, là, il y a lui, Georges, peut-être un ou deux autres là, qui ont vraiment sorti du lot. John Jones, on voit pas comment est-ce qu'Anthony Smith pourrait vraiment gagner ce combat-là, mais Anthony Smith est reconnu pour être très, très, très tough. Puis c'est un gars qui est quand même excellent. C'est arrivé souvent qu'il est revenu de l'arrière pour gagner. C'est sa spécialité presque. Donc, on va voir. Il va falloir que John Jones arrive avec sa A-game. Là. Il faut qu'il arrive au sommet de sa forme. Ça, c'est certain. OK. Tyron Woodley contre Kamaru Usman. Bon, fait que là, on a champion des 170 livres assez dominant, Tyron Woodley à lutteur. Avec des grosses mains, là, comme on a déjà vu plusieurs fois. Contre Kamaru Usman aussi, c'est un petit peu plus complet, mais quand même un bon striker aussi. Ça va nous donner un très, très bon combat. Puis, on pourrait peut-être avoir des surprises un peu parce que quand même, Kamura est 14 victoires, une défaite. Il y a eu des très beaux combats, là, ces deux derniers combats. Fait que ça va être un très gros test pour lui, mais ça va nous donner un très bon combat, ça, c'est sûr. OK. Il y a aussi, ce que je regarde aussi dans les autres combats, il y a Robbie Lawler aussi comme Ben Askren. Ouais, ben ça, c'est le fun parce que là, c'est le premier combat de Ben Askren dans l'UFC. Ben Askren, qui est un lutteur freestyle aux États-Unis, qui a très, très bien performé en division 1. Il a gagné beaucoup de ses combats, puis tout ça. Puis il a fait sa transition à MMA, ça a bien été. Après ça, il était dans le Bellator, là, il est 18-0. Il y a eu des guerres de mots avec Dana White depuis quelques années. Il est finalement dans l'UFC. Puis son premier combattant, c'est Robbie Lawler, un gars qui est très tough. Un gars qui s'est déjà battu contre George St-Pierre, si vous vous rappelez. Il est capable de tout faire un peu, mais je suis pas sûr qu'il est capable. Ben Askren, quand il te met main dessus, tu t'en vas à terre et tu restes là normalement. Il est pas très spectaculaire, mais il est très efficace. Donc, ça va être intéressant de voir si il va pouvoir transporter toutes ces qualités-là dans l'UFC, puisque le niveau est quand même un petit peu plus élevé, mais ça va être intéressant. OK. On va y aller maintenant avec d'autres combattants qui... Il y a le dernier combat en sous-carte là, sur la carte de ESPN. Jeremy Stephens, c'est un gars que je connais, qu'on dit Zabid. Ça, c'est un autre russe aussi. Oui. Ben oui, il y a ce combat-là. Puis, c'est comme tu disais, lui, de Stephens, c'est Zabid, parce que Zabid, c'est tout qu'un combattant debout. Là, il est très, très, très, très spectaculaire. Donc, ça vaut vraiment. C'est un gars qui est grand, il est élancé. Puis, il y a une drôle d'allure un peu. Mais il est bon aussi au sol, fait que ça va être intéressant, ça va être un très bon test pour lui. Puis l'autre dernier combat qui est pas pire, ben c'est Cody Corbrand qui a déjà été champion là à 135 livres, qui nous revient bien sûr après bon il y a deux défaites de suite contre TJ Dillashaw. Moi je pensais bien qu'il allait gagner deux fois, mais il a perdu deux fois. Puis là, il avait jamais perdu dans sa carrière avant ces deux combats-là. Puis il revient après deux défaites, ses deux premières en carrière. Donc, t'as quand même un très, très bon adversaire, Pedro Munhoz. Fait que ça va être un bon combat aussi. Fait que je te dis, c'est loadé, là. Il y a 4-5 bons combats. Voilà, c'est... il faut écouter ce cap-là absolument. Ouais. Et donc, il faut vraiment regarder ça. Hey, Claude, Pat Côté fait un podcast sur RDS avec Benoît Baudouin, puis il parle de l'actualité du UFC, puis il parlait d'un combat, oui. McGregor, Cowboy Cerrone. Est-ce que tu penses que ça peut arriver? Oui, ça peut, ça se parle de plus en plus. Ouais, là, hein, écoute, Dana White, des fois, Dana White avait comme dit non tout de suite en partant, mais Dana White, souvent non en partant, parce que là, tout le monde essaie de caler Conor McGregor, fait que Donald s'est essayé, puis ça a marché, là. L'autre il a répondu, c'est qu'il a parti d'une guerre, fait que tout le monde a embarqué, puis c'est ça sera un combat spectaculaire, de toute évidence. Là. Lui, il veut faire monter les enchères, probablement, lui aussi, Dana White, là. Ben oui, c'est ça, mais là, je pense que vu que quand les fans le veulent, d'habitude, il le fait. Il va attendre le bon moment, ça serait peut-être le bon moment, ça nous fera un bon combat. Le russe qui a battu McGregor, lui, tu vois contre qui? Ben là, Khabib, on attend, parce que là, il y a du suspension, plus trois mois, parce que il dit qu'il se battra pas tant que ses coéquipiers n'auront pas fini leur suspension eux autres. Fait que ça nous remet dans un an pour Khabib, fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer, c'est un an, il va se couler un peu d'eau sur les ponts. OK. Ben, Claude, on se repart pour le 2-36. Parfait, Danny. Bye-bye.